طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 23 et on a commencé la semaine passée le chapitre 4 qui est باب الخوف من الشرك, الخوف من الشرك. Donc ça veut dire le chapitre qui parle en fait du fait qu'on doit avoir peur du shirk. Et on a fait une introduction la semaine passée. Maintenant, on rentre dans la première preuve ou le premier dalil que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné comme preuve de ce sujet, c'est-à-dire qui montre qu'on doit avoir peur du shirk billah. Et le premier verset que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné à ce sujet-là, c'est le verset qui dit وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 48 dans sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne un partenaire dans l'adoration ou qu'on fasse le shirk avec lui, mais en dehors du shirk, il pardonne tout autre péché à qui il veut. En dehors du shirk, il pardonne tout autre péché à qui il veut. Et donc, le Cheikh Salih al-Fawzan, maintenant, il explique ce passage, ou ce verset. Il dit, هذا خبر من الله عن نفسه سبحانه وتعالى مؤكد بأن مؤكد بأن أنه لا يغفر أن يشرك به. فهذا فيه خطورة الشرك. فالله لا يغفر للمشرك مع أن رحمته وسعت كل شيء ولكن المشرك لا يدخل فيها لعظم جريمته والعياذ بالله فمن مات على الشرك فإنه لا يغفر له وهذا يدل على خطورة الشرك فإذا كان المشرك أو إذا كان الشرك بهذه الخطورة فإنه يجب الحذر منه غاية الحذر كل الذنوب مظنة المغفرة كل الذنوب مظنة المغفرة ورجاء المغفرة إلا الشرك فالشرك لا يمكن تجنبه إلا إذا عرف وعرف خطره. Donc pour expliquer ce passage, le Cheikh il dit premièrement que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il nous a informé que il ne pardonne pas le shirk et il a mis ça comme une certitude en disant inna Allah, parce que dans la langue arabe inna c'est une lettre qui implique de confirmer quelque chose, de le rendre plus certain encore, de mettre plus d'emphase ou comme si pour dire c'est il n'y a pas de doute là-dessus, inna Allah, c'est-à-dire certes Allah il ne pardonne pas. C'est pour mettre plus d'importance encore sur cette affirmation-là. Et ça nous montre donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, et ça nous montre le danger du shirk billah. Et que le mushrik, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera pas. C'est-à-dire que si le mushrik meurt sans faire tawbah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera pas. malgré qu'on connaît le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde enveloppe toutes choses. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est plus large que tout. Elle est plus large que tout. Wa si'at kulla shay. Mais malgré la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de cette ampleur-là, eh ben, le mouchrik n'entre pas dans cette miséricorde. Et donc ça nous montre la grandeur de ce crime qui est al-shirk, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège, et que celui qui meurt sur le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Et donc ça nous montre le danger encore une fois du shirk billah. Donc si le shirk est de ce danger-là, à ce niveau-là de danger, c'est obligatoire pour nous de s'en protéger et de faire attention. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le cheikh il dit que tous les péchés, eh ben ils peuvent mériter le pardon et on peut avoir l'espoir d'être pardonné, peu importe quel péché qu'on a fait en dehors du shirk, mais le shirk, si on meurt avec, eh ben c'est fini. Le shirk, c'est pas possible de s'écarter ou de se protéger du shirk sans le connaître et sans connaître le danger qu'il représente. الشيخ يقول وفي الآية الأخرى أخبر سبحانه أنه حرم الجنة على المشرك. هذا هو الدوزيام verset que le Cheikh a mentionné, c'est les paroles de Ibrahim عليه السلام. Est-ce que c'est ça? Non, c'est un autre verset. الشيخ dit وفي الآية الأخرى أخبر سبحانه أنه حرم الجنة على المشرك قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار والحرام الممنوع فلا يمكن أن يذوق المشرك طعم الجنة وأن يشم رائحة الجنة. Donc le cheikh dit que dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le paradis au mushrik, à celui qui fait le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 72 dans sourate Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit certes celui qui fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a certes interdit le paradis et sa destination sera l'enfer, et pour les injustes il n'y aura aucun secoureur. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait rendu le paradis haram pour le mushrik, ça veut dire qu'il a été interdit, hein. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais y rentrer, il ne pourra jamais goûter au goût du paradis et il ne pourra jamais sentir son odeur. وفي الآية الثالثة يقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا منعهم الله من دخول المسجد الحرام لأنهم نجس ونجاسة المشرك نجاسة معنوية والمسجد الحرام لا يدخله إلا أهل التوحيد وما كان أولياءه وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك المشرك حلال الدم والمال. قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Il dit que dans le troisième verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit les mushrikoun, certes les mushrikoun, les gens qui font le shirk, ne sont que najis, ils sont impurs, Donc ils ne doivent pas s'approcher de la mosquée sacrée après cette année. Et ça c'est dans sourate At-Tawba le verset 28. Donc ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait envoyer, je crois que c'est dans l'année numéro 9, c'est-à-dire la 9e année après le Hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Abu Bakr et Ali radiallahu anhuma pour annoncer durant le Hajj que c'était la dernière année que les mushrikins allaient pouvoir faire le tawaf et faire le Hajj nu. Parce qu'on sait que les mushrikins avant l'islam, quand ils allaient faire le Hajj, ils faisaient le tawaf autour de la Kaaba, mais ils enlevaient leurs vêtements pour faire le tawaf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand c'était la 9e année, il a envoyé Abu Bakr et Ali radiallahu anhuma pour annoncer que l'année prochaine ils ne pourraient plus venir, les mouchriquins ne pourraient plus faire le hajj, et donc il n'y aurait plus de possibilité pour les mouchriquins de faire le hajj, et que bon c'est ça, et ça c'est au début de surat al-Tawba. Si vous allez voir surat al-Tawba dans l'introduction, vous allez voir que c'est en fait un désaveu de la part d'Allah et de son messager aux mouchriquins, à ceux parmi les mouchriquins qui avaient une entente avec les musulmans. Et donc c'est pour leur annoncer qu'après cette année-là, ils ne pourraient plus faire le hajj. Et donc, comme le cheikh il dit, Allah leur a interdit d'entrer dans le masjid al-haram à Mecca parce qu'ils sont impurs. Et l'impureté du mouchrik, c'est une impureté abstraite, c'est-à-dire c'est pas une impureté physique, c'est pas comme une impureté comme quelque chose que si on le touche on devient impur, mais c'est une impureté abstraite du fait que leur cœur est impur à cause qu'ils n'ont pas purifié leur cœur de toutes les formes de shirk billah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux formes de shirk, deux formes de najasa ou deux formes d'impureté. Il y a l'impureté qui est physique qu'on peut toucher, et il y a l'impureté du cœur. Et les mouchriquines, leur impureté, c'est l'impureté abstraite ou l'impureté du cœur. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Donc ça veut dire que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et malheur aux mouchriquines, ceux qui ne font pas la zakat. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est malheur aux mouchriquines qui ne font pas la zakat, non pas la zakat, de payer la zakat, l'argent qu'on sait que on doit payer dans l'islam, qui est la zakat obligatoire, mais la zakat, c'est-à-dire la purification de leur aqida et de leur cœur. Parce que les mouchriquines, même s'ils donnent la zakat, elle ne sera pas acceptée d'eux parce qu'ils n'ont pas unifié Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas appliqué le tawhid. Donc, la zakat ici, c'est zakat du fait d'appliquer le tawhid et de purifier leur cœur. Et donc c'est pour ça qu'on dit que leur impureté, c'est une impureté abstraite. Donc si tu donnes la main à un mouchrik, ça ne veut pas dire que tu es impur ou qu'ils ont une impureté sur eux, mais ça veut dire que yani, c'est pas physique, c'est, wa alaykoum salam, c'est abstrait, comme je disais. Ok, ensuite le cheikh il dit, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que al-Masjid al-Haram, personne ne peut rentrer par la suite excepté les gens qui sont sur le tawhid. Et il mentionne le verset 34 dans Surat al-Anfal qui dit les gens qui sont les alliés de la mosquée, al-Masjid al-Haram, c'est uniquement al-Muttaqoon, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc le mouchrik également, en plus de ça, non seulement il est impur, mais en même temps, son sang et ses biens sont halal. C'est-à-dire, leur sang et leurs biens sont halal. C'est-à-dire, il n'y a rien de sacré dans leur sang ni dans leurs biens. C'est en fait, leurs biens et leur sang appartiennent aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Puis lorsqu'ils disent la ilaha illallah, ils sont protégés contre moi dans leur bien et dans leur personne. Excepté pour un droit, un de ces droits, c'est-à-dire un des droits de la ilaha illallah, et leur jugement reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que ça veut dire ici dans ce hadith-là? Ça veut dire qu'un mouchrik, ou un kafir, s'il n'a pas dit la ilaha illallah, son sang et ses biens sont halal. Excepté bien entendu si c'est des koufars ou des mouchriquines qui sont en paix avec les musulmans, c'est-à-dire ils ont signé une entente de paix avec les pays musulmans. C'est-à-dire si les mouchriquines d'un pays ont une entente de paix avec un pays musulman, eh ben ça devient haram de leur faire un mal quelconque ou une injustice quelconque dans ce cas-là, parce qu'ils ont une entente. On les appelle ces koufars al-mu'ahadun, c'est-à-dire c'est des kuffars qui ont une entente avec les musulmans. D'accord? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man qatala mu'ahadan fa lam yarih ra'ihat al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui tue un mushrik ou un kafir qui a une entente avec les musulmans, ce musulman-là qui a tué ce kafir, il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Donc, le kafir qui a l'entente avec les musulmans, on ne peut pas atteindre sa vie et prendre ses biens. C'est uniquement un kafir qui est harbi, qui est en guerre contre les musulmans, qui a une guerre officielle qui a été déclarée entre le dirigeant des musulmans et le pays des kuffars. Dans ce cas-là, ça c'est autre chose, mais on n'est pas dans cette situation-là actuellement, mais c'est juste pour faire comprendre que on a le devoir de combattre les koufars jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Hein? Donc ça montre que celui qui ne dit pas la ilaha illallah, il n'est pas protégé dans ce sens-là, wa alaykum salam, et sa vie n'est pas sacrée, ni son sang, ni ses biens. Wa qawluhu, donc tout ça, ça nous montre le danger du shirk en même temps. Hein? وقوله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل هو إبراهيم عليه السلام، سمي بالخليل لأن الله سبحانه اتخذه خليلا، كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، من الخلة أو من الخلة، وهي أعلى درجات المحبة، أي أن الله يحبه، أن الله يحبه أعلى المحبة، وهذه مرتبة لم ينلها إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit également que le cheikh a mentionné comme une autre preuve le verset qui est mentionné à propos d'Ibrahim lorsqu'il a dit وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. Ça c'est le verset 35 dans sourate Ibrahim qui dit et écarte-moi et ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ok? Mais avant de mentionner ce verset-là, comme s'il fait une explication en même temps, c'est que Ibrahim al-Khalil, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé, on l'appelle al-Khalil. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris comme Khalil. Et qu'est-ce que ça veut dire Khalil? Khalil, ça a un rapport avec l'amour, ok? Et c'est un des plus hauts degrés d'amour qu'on peut avoir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il a aimé Ibrahim, hein, à un niveau, d'une façon très grande, yani. Et il l'a pris comme un ami très proche. Hein? Donc, c'est ça. Donc, dans ce sens-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé Khalil. Ça, c'est dans le verset 125. واتخذ الله إبراهيم خليلا. Allah a pris Ibrahim comme un Khalil. Et également, le Cheikh il dit que personne n'a atteint ce niveau, hein, excepté Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est les deux prophètes qui ont atteint ce niveau-là. À part ces deux-là, il n'y en a pas d'autres qui ont atteint ce niveau de khulla ou de khalla, comme le cheikh il mentionne. Et il dit ensuite wajnubni ay ab'idni waj'alni fi janibin ba'idin an na'bud al-asnam khafa min ibadatiha. Donc le cheikh il a dit écarte-moi, ça veut dire éloigne-moi et fais que je sois très très loin de l'adoration des idoles, parce qu'il avait peur de les adorer. Et donc, le cheikh dit, مع هذه المنزلة العظيمة التي نالها إبراهيم عليه السلام من ربه، ومع أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده، تعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في النار، ومع ذلك خاف على نفسه من الوقوع في الشرك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن والحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولهذا قال بعض السلف من يأمن البلاء بعد إبراهيم، فإبراهيم خاف على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في الناس، وقال عن الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. Donc le cheikh il dit tout ça pour nous faire comprendre que malgré le haut niveau et le grand degré que possédait Ibrahim, hein, et que le degré que Ibrahim a réussi à atteindre de son Seigneur, et malgré qu'il a opposé le shirk et qu'il a brisé les idoles avec sa main, hein, et qu'il a supporté toutes sortes de difficultés et d'épreuves dures, hein, jusqu'au point de se faire lancer dans le feu à cause du fait qu'il a opposé les idoles, et malgré tout ça, il a quand même eu peur pour lui-même de tomber dans le shirk, hein, parce qu'il sait que, ou on sait que les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts de Ar-Rahman, c'est-à-dire parmi les deux doigts parmi les doigts de Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui est vivant, tant qu'on est vivant, on n'est pas épargné, ou on n'est pas, on peut pas dire qu'on est sauvé de la fitna, c'est-à-dire al-hayy la tu'manu alayhi al-fitna. C'est-à-dire, tant que tu es vivant, tu peux tomber dans une épreuve ou dans un test. Donc, tant qu'il y a de la vie, comme on dit, il faut faire attention. Et certains parmi les salafs disaient, qui peut être sauvé ou exempté de l'épreuve après Ibrahim? C'est-à-dire, si Ibrahim avait peur lui-même pour lui-même de l'épreuve, alors qui après lui va se sentir en sécurité. Donc Ibrahim, il a eu peur lui-même de tomber dans le shirk quand il a vu comment la grande quantité de monde qui sont tombés dans l'adoration des idoles et des autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Et il a dit à propos des idoles, dans le verset 36, dans Surat Ibrahim, « Ya Rabbi, ô mon Rab, ô mon Seigneur, elles ont égaré tant de gens. » Elles ont égaré, c'est-à-dire les idoles, elles ont égaré tant de gens. وهذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون لا أخاف على المسلمين لا خوف على المسلمين من الوقوع في الشرك بعدما تعلموا وتثقفوا لأن الشرك بعبادة الأصنام شرك ساذج يرتفع عنه المثقف والفاهم وإنما الخوف على الناس من الشرك في الحاكمية ويركزون على هذا النوع خاصة أما الشرك في الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره وعلى هذا يكون الخليل عليه السلام وغيره من الرسل إنما ينكرون الشرك ساذجا ويتركون الشرك الخطير وهو الشرك الحاكمية comme donc le cheikh il dit que on voit que ça c'est la plus grande réfutation dans cette explication là qu'on a donnée à propos d'Ibrahim, on voit qu'il y a la plus grande réfutation et la plus grande réponse à ceux qui prétendent que on ne doit pas craindre que les musulmans tombent dans le shirk après qu'ils aient étudié et après qu'ils soient devenus cultivés, parce que le shirk avec les idoles ou par l'adoration des idoles, c'est une forme de shirk qui est vraiment, comme on dit, naïve et innocente, c'est-à-dire ça arrive de la part des gens qui sont naïfs et qui sont faibles d'esprit. Donc la personne qui est cultivée et qui comprend les choses, ou qui comprend la vie moderne, eh ben elle n'a pas besoin d'avoir peur de tomber dans le shirk, et que le vrai danger maintenant, c'est pas le shirk dans l'adoration des idoles ou des adorations dans l'adoration, mais c'est plutôt le shirk dans les affaires des lois et de la politique et des trucs de ce genre, dans le jugement. Et eux, ils se concentrent uniquement sur cette forme de shirk, comme on a dit la dernière fois au dernier cours. Et en ce qui concerne le shirk dans l'adoration, ils ne donnent à cette forme de shirk que très peu d'importance, et ils ne le dénoncent pas avec beaucoup d'importance, d'accord. Pourtant, comme on a expliqué la dernière fois, la grande partie du shirk qui se produit actuellement et puis depuis toujours sur la terre, c'est toujours le shirk dans l'adoration. Tandis que shirk fil hakimiyya, il existe, mais c'est une forme de shirk qui est vraiment restreinte par rapport au shirk dans al-rububiyya. Pardon, par rapport au shirk dans l'adoration. Non. Ok. parce que en fait, je vais t'expliquer, c'est que il y a le shirk, wa alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh, il y a le shirk qui a été expliqué selon les textes du Coran et de la Sunna. Les ulama ont vu qu'il y a trois catégories de shirk. Un shirk fil rububiyya, c'est-à-dire le shirk, ou bien un tawhid fil rububiyya, il y a le tawhid dans l'adoration, pardon, il y a le tawhid dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est seul Allah qui contrôle tout dans l'univers, et qui émet de tout, et qui crée, et qui a le pouvoir de faire bouger tout ce qui bouge dans l'univers. C'est seulement lui qui contrôle tout, qui fait vivre et qui fait mourir et qui donne le risque, etc. Maintenant, il y a aussi le tawhid dans l'uluhiyya ou dans l'ibada, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration, que c'est seul Allah que tu dois adorer et que tu ne dois pas adorer autre que lui ou offrir à autre que lui une forme quelconque d'adoration. Maintenant, il y a aussi le shirk dans l'asma wa sifat, dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne dois pas donner à Allah des attributs de la créature, ou donner à la créature des attributs d'Allah, ou de donner à, de décrire Allah par autre que ce que Allah s'est décrit lui-même, et de ne pas nier ses attributs et ses noms, etc. Donc, tout ça, ça c'est les formes de tawhid qui sont bien connues, et qui sont dans le Coran. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a des gens qui sont arrivés, qui ont voulu, faire d'autres catégories dans le tawhid, pour se concentrer sur certains aspects, de façon plus particulière. Donc, par exemple, on sait que dans Tawhid al-Uluhiyya, dans l'adoration, il y a le fait que tu dois juger uniquement par ce que Allah a révélé. D'accord? Ça fait partie de Tawhid al-Uluhiyya. Puis ça fait aussi partie de Tawhid al-Rububiyya d'une certaine façon aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens-là? Ils ont pris cette catégorie-là, ils en ont fait une partie de Tawhid, particulière. D'accord? C'est comme si quelqu'un avait voulu dire Tawhid al-Tawakkul, ou Tawhid al-Raja, ou Tawhid al-Ikhlas, ou Tawhid, par exemple, al-Dua, Tawhid al-Dua, ou Tawhid al-Isti'ana. Tu vois, pour résumer ça. Donc, tu veux faire Tawhid pour chaque forme d'adoration. Mais eux, ils ont concentré sur une forme d'adoration qui est al-Hukum, tu vois, de juger uniquement par ce que Allah a révélé. Et puis, ils ont concentré sur cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont un agenda qui est principalement politique. Et leur but, c'est d'atteindre le pouvoir et de renverser les gouvernements dans les pays arabes qui sont des pays musulmans. Donc, la première façon, c'est de déclarer ces gouvernements-là et de dire qu'ils ne sont pas musulmans pour justifier les coups d'État ou justifier les choses qu'ils font sur le plan politique dans les pays musulmans. Et donc, ils ont inventé cette catégorie-là, une quatrième catégorie de tawhid, et ils ont dit aux ulama qui, par exemple, les ulama qui dénoncent le shirk dans l'idada et tout ça, ils disent à ces ulama-là, vous, pourquoi vous vous attaquez uniquement à ça, les tawhid dans l'adoration, c'est quelque chose qui est pour les gens naïfs, vous devriez vous concentrer sur le tawhid qui a rapport avec les lois et le gouvernement et les applications des constitutions et toutes ces affaires politiques, et ils négligent les gens, la grande masse de population parmi les musulmans qui sont noyés dans toutes sortes de formes de superstition, puis de shirk et d'innovation, etc. Donc, est-ce qu'il faut le tawhid dans Hakimiyya, comme on dit, il doit avoir aussi, c'est-à-dire on le dénonce également, et les ulama ils le dénoncent. La preuve, comme un des ulama a expliqué une fois, il a dit la preuve qu'on le dénonce également, il y a dans le livre Kitab al-Tawhid un chapitre, si vous regardez par exemple, le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il a mis un chapitre dans son livre qui s'appelle Babun من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. Le chapitre qui dit celui qui obéit les ulama et les umara, c'est-à-dire les dirigeants, dans l'interdiction de ce que Allah a permis et dans la permission de ce que Allah a interdit, alors il les a pris comme des seigneurs en dehors d'Allah ou comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mis aussi un autre chapitre qui dit أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ إِلَى آخِرِهِ. Donc on voit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'a pas négligé cet aspect du tawhid, et il n'a pas négligé cette forme de shirk. Il en a parlé et il a dénoncé cette forme de shirk également. Bon, c'est ça. Si le hakim ne juge pas par la loi d'Allah, c'est pas pareil comme si quelqu'un, par exemple, qui adore autre que Allah ou qui fait un doigt à autre que Allah. Parce que s'il ne juge pas par ce que Allah a fait descendre, eh ben, ça dépend de l'état de ce dirigeant-là lorsqu'il le fait. Ça dépend de l'état de ce dirigeant-là lorsqu'il juge par autre que la loi d'Allah. Parce que dans certains cas, ça va être une forme de shirk majeur, et dans certains cas, ça va être une forme de shirk. Mais ça ne va pas être une forme de shirk majeur, ça va être une forme de shirk mineur qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. Et dans certains cas, ça ne va même pas être une forme de shirk, ça va être une erreur. Parce que ça dépend de l'état du dirigeant. Ça peut être une forme de shirk majeur, ça peut être une forme de shirk mineur, ou ça peut être une forme de shirk, ça peut être une forme d'erreur par contre, quelqu'un qui a jugé par autre que la loi d'Allah, mais par erreur, ou par contrainte, hein, ou par ignorance. D'accord, voilà. Oui. Oui, c'est ça. Ils sont passés par. C'est comme Abdurrahman Abdul Khaliq, un des Ikhwan au Koweït. Eh bien, lui, il est rentré dans le Parlement. Puis, c'est ça ce qu'il a fait. Il a écrit dans ses livres, il a mis une quatrième catégorie de Tawhid, qui est Tawhid al-Hakimiyya. C'est une bid'a qu'ils ont inventée pour pouvoir se concentrer sur cet aspect-là, pour faire le takfir des dirigeants, le takfir des musulmans, puis de se permettre par la suite de rentrer dans les parlements, puis de faire de la politique. Et ça, c'est un mouvement ou un groupe, une tendance qui est inspirée de la tendance des Ikhwan. Parce que les Ikhwan, c'est un mouvement politique à la base. Tu vois? Donc, quand j'ai dit tout à l'heure, des fois il y a un jugement par autre que la loi d'Allah, des fois c'est shirk akbar, des fois c'est shirk asrar, mais ça dépend du dirigeant. S'il croit que la loi qui est faite par autre que, qui vient d'autre que Allah, s'il croit que cette loi-là, elle est meilleure que la loi d'Allah, il est kafir billah. Il n'est pas musulman. Ça c'est kufr akbar. S'il dit que c'est égal à la loi d'Allah, ça c'est kufr akbar aussi, parce qu'il met la parole de la loi des hommes égale avec la loi d'Allah, ça c'est kufr billah. S'il dit que c'est pas égal, c'est la loi d'Allah est meilleure, mais c'est permis de juger par une loi qui est autre que la loi d'Allah, ça aussi il est kafir, parce qu'il rend halal ce qui est haram, hein. Dans ce cas-là c'est kufr akbar, ça fait sortir de l'islam. Et si par exemple c'est une personne qui juge par autre que la loi d'Allah, mais sans dire que c'est permis, toutefois elle sait que c'est haram de juger par autre que la loi d'Allah, mais elle le fait parce qu'elle suit ses passions, ou par désir, ou par, tu vois, ou bien par ignorance, ou par contrainte, ou par crainte, ou pour différentes raisons, mais dans ce cas-là il n'est pas considéré comme étant un kafir. Mais tu peux pas déterminer juste en voyant la personne et en voyant qu'elle désobéit à Allah ou qu'elle ordonne de désobéir à Allah, qu'elle est kafira, qu'elle est en dehors de l'islam juste par son action. Il faut que, ça dépend qu'elle a, bien entendu, si tu le vois jeter le mushaf dans la poubelle, ou si tu le vois par exemple insulter Allah et son prophète, ça c'est des choses qui sont des formes de shirk, de kufr clair, pas besoin de dire est-ce que la personne a eu ça dans son cœur ou non, mais quand tu le vois faire d'autres actes de péché, comme par exemple, tu vois que au lieu de juger selon la loi d'Allah dans une question, eh ben il va suivre ses passions, puis il va juger par autre chose. Tu peux pas dire qu'il est kafir tant que la personne n'a pas dit que, par exemple, elle dit ah mais non, ça c'est pas valable aujourd'hui, ces lois-là sont pas bonnes, c'est des lois barbares, c'est des lois anciennes. Si quelqu'un dit ça, il n'est pas musulman, parce que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les lois, c'est des lois qui sont parfaites, c'est des lois qui viennent d'Allah, pas comme les lois qui sont faites par des êtres humains qui changent à chaque 5 ans, tu vois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus miséricordieux, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus sage, et il connaît mieux que les êtres humains ce qui est bon pour eux, d'accord. Donc nous, des fois les êtres humains, on peut voir quelque chose et on ne voit pas tout de suite le bien qu'il y a dans ces lois ou dans la sagesse qui existe dans ces lois. On pense que les lois qu'on va inventer nous-mêmes vont être plus justes. Et ça, c'est de l'ignorance de la part de l'être humain de penser de cette façon. Parce qu'il n'y a personne qui peut être plus juste que Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui peut être plus miséricordieux que Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains vont dire, ah mais l'être humain n'est pas parfait, donc il ne peut pas appliquer la loi d'Allah qui est parfaite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a établi ses lois pour les êtres humains, il savait que l'être humain n'est pas parfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas d'être parfait. Allah nous demande juste de faire notre possible, c'est-à-dire de juger en toute sincérité et en toute justice, et de faire selon notre capacité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ». Il ne met pas sur quelqu'un une charge qu'il n'est pas capable de porter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi « Fattakullaha mastata'atum ». Craignez-moi, craignez Allah tel que vous en êtes capable. D'accord. Donc, si dans l'application de la loi il y a certaines erreurs, ou dans l'application de la loi il y a certains manquements ou certaines faiblesses ou autres, eh bien, si tant que les personnes qui ont établi ce jugement ont fait leur possible et qu'ils ont été sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont fait preuve de justice selon le niveau de leur capacité, eh ben dans ce cas-là, c'est mieux, c'est l'obligation qu'ils ont de l'appliquer. Et y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, si vous avez un doute dans l'application d'une punition, alors n'appliquez pas la punition, parce que c'est mieux de se tromper dans le pardon que de se tromper dans la punition. Donc c'est des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, hein. Donc des fois il y a des gens qui mélangent, comme on dit, mais comme la question du hakimiyya, ça c'est un discours qu'on entend. Par exemple, il y en a qui disent, ah vous attaquez le shirk al-qubur, mais vous attaquez pas shirk al-qusur. C'est-à-dire, shirk al-qubur, c'est le shirk des tombes, les gens qui adorent les tombes, mais al-qusur, c'est quoi? C'est les palais. Donc vous parlez pas du shirk des palais, vous parlez juste du shirk des tombes. Et ça, c'est des jeux de mots qu'ils utilisent pour essayer de lancer des shubuhat aux gens qui sont sur le manhaj des salaf, pour en voulant dire que ah, vous préoccupez pas des dirigeants et de tout ça. Et eux, ils pensent que si on parle du shirk des tombes, c'est parce que on veut faire plaisir aux dirigeants. Non, ça n'a rien à voir. Nous, on veut faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Mais le manhaj des khawarij et le manhaj des gens de hizbiya et de bid'a, eux, c'est de se concentrer uniquement sur takfir des dirigeants et de se concentrer uniquement sur de vouloir prendre le pouvoir. Et c'est ça la différence. Donc nous, c'est au contraire, c'est de réformer la société, et de réformer les musulmans, et de les ramener à la base du tawhid, pour que lorsqu'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala, ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala avec un shahada de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mais un shahada qui a une valeur, parce qu'ils l'ont compris puis ils l'ont appliqué comme il faut. Tandis que si le dirigeant, il juge selon les lois d'Allah, il coupe les mains des voleurs, il lapide les gens qui font l'adultère, il fouette les gens qui sont ivres ou qui boivent de l'alcool, mais que les gens continuent à aller visiter les tombes et croire aux awliya et tout ça, eh bien ça va pas les sauver de l'enfer. Donc c'est sûr que l'application de la charia, c'est une obligation, mais puisque on n'est pas arrivé à ce stade qu'on est capable de le faire, eh bien c'est, dans ce cas-là, c'est de commencer par la base, de rappeler les musulmans au fondement de l'islam, avant tout, parce que c'est ça la base. Aujourd'hui, je lisais le hadith de Abu Dharr, radiallahu anhu, qui disait, أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وعليه ثوب أبيض وهو نائم فأتيته وهو وقد استيقظ فقال من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر donc tu vois c'est comme s'il a dit je suis rentré Abu Dharr il dit je suis rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait un vêtement blanc et il dormait donc je suis revenu plus tard et il s'était réveillé. Alors il m'a dit, ma min abdin, qala la ilaha illallah, wa mata ala zalik, illa dakhala al-jannah. Il n'y a pas un serviteur qui dit la ilaha illallah, et qui meurt sur ça, excepté qu'il entrera au paradis. Abu Dharr a dit, ô messager d'Allah, même s'il fait le zina, même s'il vole, il dit, même s'il fait le zina, même s'il vole. Il dit, messager d'Allah, oh messager d'Allah, même s'il fait le zina, même s'il vole, il a dit, même s'il fait le zina, même s'il vole. Il dit, oh messager d'Allah, même s'il fait le zina, même s'il vole, il a dit, même s'il fait le zina, même s'il vole, malgré que, yani, l'expression qu'il a dit le prophète sallam, il a dit, ala rahmi anfi abi dharr, c'est-à-dire, c'est une expression pour dire que ça te plaise ou non, il va rentrer au paradis, même s'il a volé, même s'il a fait le zina. Mais quand on retourne au cours qu'on a fait dans le passé, dans le chapitre des chapitres précédents de Kitab al-Tawhid, on a vu qu'il y a les niveaux de Tawhid, et que la personne par exemple qui meurt avec le zina ou le voile, eh bien son Tawhid est diminué dans sa pureté, parce que justement à cause de ses kaba'ir, des grands péchés comme celui-là, ça fait diminuer son péché. Et donc celui qui meurt sur ces péchés-là, avec la ilaha illallah, eh bien c'est comme si, comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala peut le punir, peut le faire entrer en enfer pour un certain temps, puis il sortira de l'enfer après un certain temps, parce qu'il a la ilaha illallah. Il est mort sur ça. Puis, aussi, une autre possibilité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, parce qu'il a, par exemple, il a fait d'autres bonnes actions, ou bien il a eu des choses qui sont venues expier ou effacer ces péchés-là, soit il a fait des hasanat qui ont effacé ces péchés-là, ou bien soit qu'il a fait également, par exemple, il a eu certaines maladies ou certaines difficultés dans sa vie, et ça efface aussi les péchés qu'on peut avoir fait. Donc, à cause de ça, par la miséricorde d'Allah, il pourrait aussi être épargné. Mais, bon, comme on a dit, pour qu'on soit du degré de ceux qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment, il faut qu'on ait un tawhid qui est purifié de toute forme de bid'a et de péché et de shirk majeur ou mineur. Donc c'est sûr que celui qui meurt sur cette catégorie-là de péché, ben il n'est pas parmi, c'est pas partie de cette catégorie des 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. Wallahu a'lam. Donc, tout ça, c'est pour expliquer que ils se concentrent sur une forme de shirk en particulier, alors qu'en réalité, le shirk que les messagers d'Allah sont venus, lorsqu'ils sont venus parler à leur peuple, ils ont toujours commencé par le shirk dans l'adoration en général, et non pas uniquement sur le shirk dans le jugement ou la politique. Quand Moïse est venu voir Moussa alayhi salam, quand Houd est venu, quand Salih, quand Shu'aib, quand Nuh alayhi salam, et les autres prophètes comme Ibrahim et les autres, quand ils sont venus à leur peuple, ils n'ont pas commencé à faire des appels, des discours politiques pour dire donnez-moi le pouvoir, ou laissez-nous juger par la loi d'Allah ou des trucs comme ça, mais ils ont commencé à dire au peuple, arrêtez d'adorer les idoles, arrêtez d'adorer ce que vous adorez, hein, et des trucs de ce genre. Puis c'est ça qui a créé le problème et la discorde entre les gens et les messagers, mais c'est pas la question politique elle-même en partant. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord? Donc ça c'est important d'apprendre. Puis il y a un bon livre qui a été écrit par Cheikh Rabi' al-Madkhali à ce sujet-là, c'est le livre qui s'appelle Manhaj al-Anbiya fi ad-da'wati ila Allah. Le manhaj ou la méthodologie des prophètes dans la façon d'appeler les êtres humains à Allah. Et on voit qu'il a clarifié cette question-là, il a parlé de ça, il a montré comment certains groupes musulmans ont déformé l'image de l'islam pour faire de l'islam une religion politique, d'accord. Donc ça c'est intéressant aussi à comprendre ça. فالشيخ ذي وقال في الحديث أي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ففي الحديث كلو شيخ ماسيان شيخ محمد بن عبد الوهاب dans le livre à la suite des deux versets qu'il a mentionné, il mentionne quelques hadiths. Le premier hadith qu'il mentionne, c'est le hadith qui dit أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. C'est-à-dire, dans ce hadith, on a demandé au prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit shirk, le shirk mineur. Alors on lui a demandé, qu'est-ce que c'est? Et il a répondu, c'est arriya, c'est-à-dire de faire quelque chose pour se faire voir, et non pas pour Allah. Un autre exemple aussi qui est mentionné comme hadith, c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui est apporté par al-Bukhari, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. C'est-à-dire celui qui meurt alors qu'il invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui invoque en dehors d'Allah un égal avec Allah, il entrera dans le feu. Et un autre hadith qui est rapporté selon Muslim, عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Ça c'est un hadith rapporté selon Jabir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui rencontre Allah et qui n'a rien associé avec lui, il entre au paradis. Tandis que celui qui rencontre Allah et qui lui associe une chose quelconque, quoi que ce soit, eh bien il entrera dans le feu. Donc ça c'est des hadiths. Et là le cheikh il commence l'explication de ces différents hadiths. Il dit, وفي الحديث أي الحديث الذي رواه أحمد الطبراني والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وعمر ولسادات المهاجرين والأنصار الذين بلغوا القمة في التوحيد والإيمان والجهاد في سبيل الله ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم فمن يأمن بعد هؤلاء؟ يقول أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. هذا دليل على اهتمام الصحابة في الأمر. والرياء معناه أن الإنسان يتصنع أمام الناس بالتقوى والعمل الصالح وإتقان الصلاة وغير ذلك من أجل أن يمدحوه. فالرياء من الرؤيا أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل العمل الصالح من أجل أن يمدحوه. والسمعة أن يحب الإنسان أن الناس يسمعون كلامه ويسمعون عمله ويمدحونه. فالرياء لما يرى والأعمال والسمعة لما يسمع منها. Donc le cheikh il raconte, il explique en fait, il dit que le hadith que le cheikh a mentionné, c'est un hadith qui est rapporté selon Ahmad et al-Tabarani et al-Bayhaqi, et ce hadith-là, ça dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que il craignait le plus pour nous, ce qu'il craignait de plus pour nous c'était le shirk mineur, et on lui a demandé ce que c'était, et il a dit que c'était Ar-Riya, et le cheikh il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à Abu Bakr et Omar et les grands parmi les sahaba comme les muhajirin et les ansar, ceux qui ont atteint le plus haut niveau dans le tawhid, dans la foi et dans le jihad fi sabilillah. Et malgré tout, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a peur pour eux. Donc, qui peut être en sécurité après cela? Alors le cheikh il dit que lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que c'est, il a dit c'est arriya, c'est-à-dire c'est de faire quelque chose pour se faire voir. Et le cheikh il dit que ça c'est la preuve que les sahaba avaient toujours un grand intérêt de savoir ou de connaître ces choses-là, puisqu'ils n'ont pas laissé la chose sans demander la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est au messager d'Allah, parce qu'ils veulent connaître, hein, et c'est important de le connaître. Et le cheikh il dit que Ar-Riya en arabe, le mot Riya, ça veut dire qu'une personne, quand elle est devant les gens, elle aime montrer ou faire semblant qu'elle est pieuse et qu'elle fait des bonnes œuvres et qu'elle est méticuleuse dans sa façon d'appliquer la salat et des choses de ce genre, dans le but de se faire glorifier les gens, pour que les gens le voient et disent du bien de cette personne. Et ça vient de la vision. Riya, ça vient de ru'ya, ça vient de voir. Et en fait, c'est qu'une personne aime que les gens voient ce qu'il fait parmi les bonnes œuvres qu'il peut faire, parce qu'il veut se faire glorifier. Tandis que as-sum'a, c'est pour les, c'est-à-dire que tu aimes que les gens entendent tes paroles ou entendent les bonnes actions que tu as faites pour qu'ils te glorifient. Et donc, ar-riya, c'est pour ce qui se voit, et as-sum'a, c'est pour ce qui s'entend. Ok? Et le chef il dit ar-riya, shirkun khafi. لأن الشرك على نوعين شرك ظاهر وشرك خفي. الشرك الظاهر الذي يتمثل في الأعمال والأقوال بأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله، هذا ظاهر يراه الناس ويسمعونه، ولكن هناك شرك خفي لا يدري عنه الناس لأنه في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الشرك في النية والإرادة. فالإنسان إذا سلم من الشرك أو سلم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر الذي يكون في القلب، وهذا مما يعطي المؤمن الحذر الشديد. الشيخ الفيك الشرك الرياسة تنفهم ده شرك يكاشي. Ok, et le shirk est de deux catégories, une qui est apparente et une qui est cachée. Le shirk qui est apparent, c'est qu'est-ce qui est représenté par nos paroles et par nos actions, comme par exemple d'invoquer autre que Allah, ou de sacrifier un animal pour autre que Allah, ou de chercher le secours en autre que Allah. Tout ça, c'est des choses qui sont apparentes, que les gens peuvent voir et qu'ils peuvent entendre. Toutefois, il y a une autre catégorie de shirk qui est cachée et que les gens ne peuvent pas connaître. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le cœur. Et personne ne peut la connaître excepté Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui le seul qui peut voir ce qui est dans le cœur des hommes. Et c'est le shirk dans l'intention et dans la volonté. Donc l'être humain, s'il est épargné de faire le shirk majeur, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement épargné du shirk qui est mineur, parce que c'est celui qui est dans le cœur. Donc ça fait que le mu'min, il doit toujours rester très, disons, alerte et de faire attention à cette forme de shirk-là. Et le shaykh, il dit « وَالْرِيَا مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْمُنَافِقِينَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. » Donc le cheikh dit que le ar-riya, il dit que ar-riya, c'est une des caractéristiques des munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran au sujet des munafiqin, des hypocrites, que les munafiqin essaient de tromper Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est lui, Allah, qui les trompe. Et lorsqu'ils se lèvent pour faire la prière, ils se lèvent paresseusement et dans le but de montrer aux gens, et ils ne se rappellent d'Allah que très peu. Ça c'est le verset 142 dans Sourate An-Nisa. والله تعالى توعد المرائين قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فوعدهم الله بالويل وجاء في الحديث أن الله يقول للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء. Le cheikh il dit que Allah a également menacé les gens qui font des œuvres pour se faire voir, il les a menacés en disant malheur aux gens qui font la salat et qui sont distraits dans leur prière ou négligents dans leur prière et qui veulent se faire voir. Alors Allah les a menacés par Al-Wayl. Et Al-Wayl, c'est soit yani que c'est yani une malédiction, une forme de malédiction, ou bien aussi que c'est un endroit dans l'enfer comme une rivière dans l'enfer où les mouchriquins, où les koufars vont aller. Et il a été rapporté aussi dans un hadith, qui est un hadith qudsi, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala dit aux gens qui ont voulu se faire voir au jugement dernier, il va leur dire, allez à ceux pour qui vous montriez quand vous faisiez vos actions dans la dunya et essayez de voir si vous allez trouver auprès d'eux quelques récompenses. OK. فهذا الحديث فيه الخوف من الشرك لان النبي صلى الله عليه وسلم خافه على سادات المهاجرين والانصار وعلى افضل هذه الامه فكيف بمن دونهم اذا كان هذا في الشرك الاصغر الذي لا يخرج من الملة فكيف بالشرك الأكبر والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que ce hadith, ça nous montre qu'on doit avoir peur du shirk. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur de ça pour les plus grands parmi les sahaba, parmi les muhajirin et les ansar, alors qu'ils sont les meilleurs de cette ummah. Alors comment on pourrait dire qu'on n'a pas peur alors que nous on est moins important que ces gens-là. Donc si le cheikh il dit que même si le shirk mineur il ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam et qu'on doit quand même en avoir peur, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire du shirk majeur, hein? Donc, on doit avoir encore plus peur du chef majeur puisque lui, il peut nous faire sortir de l'islam. Donc, ça c'est très grave aussi. Et comme le chef avait mentionné dans un autre livre, il a dit, et de nos jours, beaucoup des shirks qui sont des shirks apparents sont devenus cachés. C'est-à-dire, beaucoup de formes de shirks qui sont des formes de shirks majeurs aujourd'hui sont devenues, pour la plupart des gens, c'est-à-dire qu'ils ignorent que ce sont des formes de shirk. Donc c'est devenu caché pour certaines personnes, donc c'est pour ça que c'est très important quand même de s'en préserver et de faire attention et d'avoir peur de ça. Après, il dit aussi, « Hidalilun ala wujud ikhlas niyati lillahi azza wa jal wa anna l'insan la yaqsudu madh al-nas ou thana al-nas أو مطامع الدنيا بأعماله الصالحة وإنما يخلص النية لله عز وجل ويريد وجه الله فإن عمل من أجل الرياء فعمله باطل. Le cheikh il dit qu'il y a la preuve dans ça que c'est obligatoire pour quelqu'un de rendre ses intentions purement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'être humain ne doit pas avoir l'intention ou ne doit pas vouloir la glorification des gens ou les flatteries ou les louanges des gens, mais il devrait plutôt souhaiter la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas les bienfaits de cette dunya et les intérêts de la dunya en faisant ses bonnes œuvres, hein. Parce que celui qui fait des actions dans le but de se faire voir, son action n'a aucune valeur. Son action n'a aucune valeur. Donc le cheikh dit, « فهذا الحديث يدل على أولا على الخوف من الشرك والثانيا على أن الرياء شرك ومعناه كما ذكرنا أن أن يحب الإنسان أن يراه الناس على الطاعة فيثنو عليه بها وثالثا أن الرياء شرك خفي لا يعلمه الناس وإنما الله جل وعلا هو الذي يعمله لأنه في القلوب لشيخ الزي que parmi les bienfaits qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que premièrement, on doit avoir peur du shirk, deuxièmement, le shirk, le riya fait partie du shirk, et ça veut dire que tu fais des actions pour que les gens te voient et qu'ils te glorifient quand tu les fais, ça veut dire en particulier des actions de la religion, de la pratique religieuse, non pas de n'importe quelle action, parce que bon, c'est sûr que si tu fais des actions dans la dunya qui n'ont pas rapport avec la religion pour chercher la glorification des gens, ben c'est sûr que ce ne sera pas aussi grave que si tu fais par exemple une action dans les choses de la religion. Comme quelqu'un qui prie, habituellement il ne doit pas prier pour les gens mais pour Allah. S'il fait le jeûne ou s'il fait donner une sadaqa ou enseigner le ilm ou lire le Coran ou des choses de ce genre, eh ben s'il le fait pour se faire voir ou pour se faire entendre, dans ce cas-là, son action n'a aucune valeur. Mais si par exemple quelqu'un, je sais pas moi, il a des bons résultats à l'école ou qu'il a eu une bonne note dans son examen de maths, par exemple, et qu'il veut que les gens entendent son résultat pour qu'ils voient qu'il est intelligent, bon, c'est sûr que c'est pas, ça rentre pas dans les formes d'adoration, mais toutefois, il doit pas non plus quand même faire ces actions-là dans le but de se faire glorifier des gens, tu vois. On avait parlé de ça, puis il y a des détails à ce sujet-là, mais bon, le chef ici, je pense qu'il n'y rentre pas dans ces détails-là, mais il y a un chapitre plus loin qui va parler spécifiquement de Ar-Riya, et on reviendra donc là-dessus pour expliquer plus de détails à ce sujet-là, Inch'Allah. Le Cheikh il dit, troisièmement, il dit que Ar-Riya, c'est une forme de shirk qui est cachée. Les gens ne peuvent pas le savoir, on ne peut pas le savoir qui fait le Riya, qui ne fait pas le Riya. Mais c'est dans les cœurs, hein. C'est quelque chose que seul Allah peut connaître et c'est dans les cœurs. Après, il dit, wa qala, عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار فهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مات على الشرك فهو من أهل النار ولا يغفر له ولاحظ كلمة شيئا تعم الشرك كله ما أشرك مع ما أشرك مع الله من نبي أو ولي أو ملك لأن الشرك لا يقبله الله أبدا إن الله لا يغفر أن يشرك به. Donc le cheikh il dit que Ibn Mas'ud il dit dans un hadith dans notre hadith comme on l'a lu tout à l'heure que celui qui meurt en associant quelque chose avec Allah il entre en enfer. Le cheikh il dit que ça c'est une information du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui meurt et qui fait le shirk, il entrera en enfer et ça veut dire que Allah va pas lui pardonner parce que c'est le shirk et Allah ne pardonne pas le shirk. Et il dit, remarquez bien le mot shay. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yushriku billahi shay'an » ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose quelconque, sans définir, sans la spécifier, c'est quelque chose qui est indéfini. Donc ça veut dire que tout peut rentrer là-dedans, peu importe qu'est-ce que tu adores en dehors d'Allah, eh bien, si tu meurs en l'adorant, tu vas en enfer. Ok? Et il dit que ce soit un prophète, que ce soit un saint, que ce soit un ange, eh bien, ça c'est considéré aussi comme quelque chose qui va t'amener en enfer. Parce qu'il y a des gens qui disent, qui pensent que si ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est quelque chose de bien, ah bon, dans ce cas-là, c'est pas shirk. Non, c'est pas juste les idoles, que quand tu les adores, c'est shirk, mais même si c'est un prophète, ou un ange, ou un homme pieux, ou autre que ça, donc ça aussi, ça rentre, tout ça, ça rentre dans le shirk billah. Quoi d'autre encore aussi? C'est que il y a des gens qui font le shirk en adorant autre qu'Allah, mais ils l'appellent par autre que le nom de shirk. C'est-à-dire, ils vont pas dire que ce qu'on fait c'est shirk, mais ils vont l'appeler par un autre nom. Comme par exemple, ils vont dire on fait pas le shirk, on les adore pas, on les respecte. On les adore pas, mais on leur montre un amour, ouais, un amour ou des trucs comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils les adorent, mais ils essaient de détourner ça par en utilisant un autre terme pour essayer de justifier le shirk qu'ils font. Par ouais, c'est ça. Donc ils disent qu'ils font le tawassul, par exemple. Ils disent non, on demande pas à ces gens-là, mais on demande par eux, par leurs droits, par leur statut, par le respect qu'ils ont, par le droit qu'ils ont sur Allah, ou bien par le statut qu'ils ont auprès d'Allah. Ouais, c'est ça. Il y en a qui implorent directement le prophète. Il y en a qui implorent Allah par le prophète, ou par les saints, ou par des choses comme ça. Tout ça, ceux qui font par le prophète, ou par les saints, pour demander à Allah, ça c'est une bid'a, et ça ne fait pas partie du shirk, mais ça peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk, parce que c'est une petite ligne qui sépare en fait, entre les deux. Puis quand les gens sont à la tombe, soit à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à la tombe d'un saint, ou d'un homme pieux, hein, ou de celui à qui on a attribué la sainteté, ou al-wilaya, Allahu a'lam, des fois même, est-ce que ce sont des musulmans ou non, eh ben, ceux qui vont à ces tombes-là, quand ils sont tous réunis là, puis ils font leur dua, on ne sait pas est-ce qu'ils prient au saint ou au prophète, ou bien est-ce qu'ils sont en train de demander à Allah par le saint ou autre, donc ils sont tous mélangés, puis ils sont tous en train de faire toutes sortes de choses, et c'est soit que c'est bid'a, ou soit que c'est shirk majeur, hein, parce que celui qui demande directement au wali, qui demande directement au prophète, ça c'est shirk akbar, mukhrij min al-islam. Mais s'il dit, oh Allah, je te demande par le droit de ton prophète, etc., c'est une bid'a, parce que ça n'a jamais été enseigné par le prophète, ça n'a jamais été fait, ni par les sahaba, ni par le prophète, ni par les tabi'in, etc. Donc on a parlé de ça la dernière fois. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et là, exactement, le cours qu'on a fait sur Kashf al-Shubuhat, on a clarifié tous ces différents shubuhat en détail. الحمد لله. دونك الشيخ يقول ومن يدري متى يموت؟ ها؟ هذه بون كيستيون. الشيخ يقول الشرك الله ne va jamais pardonner. الله n'accepte pas qu'on fasse le shirk avec lui. ومن يدري متى يموت؟ ومن يدري ماذا يموت عليه؟ فالإنسان يخاف على نفسه من سوء الخاتمة. وأن يموت وهو يشرك بالله فيكون من أهل النار. فالإنسان يجب عليه أن يحذر من الشرك طول حياته لأنه لا يدري في أي لحظة يموت فيكون من أهل النار. فهذا فيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يختم له بالشرك فيكون من أهل النار ولو كان من أهل التوحيد قبل ذلك وعارفا به مستقيما ولكن يخاف على نفسه من أنه ينتكس بعد ذلك ويشرك بالله ويموت على ذلك فيكون من أهل النار فنسأل الله الثبات فيكون عنده حذر دائما وأبدا من الشرك. شيخ الجي كيف savoir quand est-ce qu'il va mourir, parce que le hadith il nous dit celui qui meurt et qui a associé avec Allah quelque chose il entre dans le feu. Qui peut savoir quand est-ce qu'il va mourir? Hein, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais moi, j'adore autre qu'Allah, mais avant de mourir, je vais arrêter, ou je vais faire tawba, puis je vais me repentir. Tu peux pas savoir quand est-ce que tu vas mourir. Donc, il faut toujours rester, sur les aguets, comme on dit aux aguets. Et après, il dit, et qui peut savoir sur quoi il va mourir? Hein, peut-être aujourd'hui, c'est sur le tawhid, comme le cheikh il dit. Mais qui t'a dit quand est-ce que, comment tu vas terminer ta vie, tu ne sais pas. Le cheikh il dit, l'être humain il doit toujours craindre pour lui-même d'avoir une mauvaise fin. toute ta vie t'as adoré Allah comme il faut, t'as pas fait de shirk, t'as pas fait de bid'a, t'as pas fait d'égarement, puis tu te dis bon ça y est, j'ai beaucoup de temps, la vie est devant moi, hein, j'ai tout mon avenir devant moi comme certains disent, et puis tu meurs pendant que tu faisais un péché ou pendant que tu avais fait une forme de shirk quelconque, puis tu t'imaginais pas que tu allais mourir à ce moment-là et des choses de ce genre. Donc. من ألف شهر. هذا هو الإغراض déjà. comme ceux qui disent, comme le frère dit, ceux qui disent par exemple, maintenant je suis jeune, quand je vais être plus vieux, je vais me reprendre, hein, je vais pas le Ramadan. Ou bien ils disent ليلة القدر خير من ألف شهر. quand je vais prier la nuit du 27 de Ramadan, hein, ça vaut 1000 mois, donc j'ai pas besoin de faire tous les prières, tous les jeûnes. Je fais une seule nuit, puis ça équivaut 1000 mois, donc les autres là qui font les prières 5 fois par jour et qui jeûnent chaque année, c'est pas des gens qui sont intelligents, parce que s'ils étaient, ils s'imaginent qu'ils sont assez intelligents qu'ils peuvent prendre un raccourci là pour les dépasser. Ah, je vais prier une nuit, ça équivaut à tout, qu'est-ce que les autres ont fait. Non, ça c'est pas correct, hein, c'est pas correct. Et Laylatul Qadr, ça va être accepté de qui? Ça va être accepté de celui qui respecte les commandements d'Allah et qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Mais si quelqu'un ne respecte pas les règles d'Allah, puis qui n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne suit pas l'islam, hein, qui fait le shirk d'Allah ou d'autres choses comme ça, puis qui croit que Laylatul Qadr va lui amener quelque chose, mais ça ne va rien lui apporter. Donc ça c'est des gens qui ont pris la religion comme un jeu en fait, on dirait. Ils pensent qu'ils peuvent tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une preuve d'ignorance en fait. Donc il faut être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il sait si on est sincère ou non dans notre cœur. Et si il y a beaucoup de gens aujourd'hui parmi les musulmans, ils restent dans l'ignorance, mais une ignorance volontaire. C'est-à-dire ils veulent rester dans l'ignorance pour justement rester dans la négligence, c'est-à-dire de pouvoir pas pratiquer qu'est-ce qu'ils doivent pratiquer de l'islam. Hein? Donc ça c'est très grave. Et donc le chef il dit qui sait comment il va mourir et sur quoi il va mourir. Non. Ok, donc on va essayer d'accélérer un petit peu pour terminer cette page. Après on va s'arrêter, Inch'Allah. Le chef il dit, donc l'être humain il doit toujours avoir peur de faire le shirk et de terminer sa vie par le shirk et puis de faire partie des gens de l'enfer, même si auparavant il faisait partie des gens du tawhid et qu'il connaissait le tawhid et qu'il était sur le droit chemin, il doit toujours avoir peur que les choses se tournent contre lui, puis qu'il tombe par la suite et commence à faire le shirk, et qu'il meurt dans cette façon et qu'il fasse partie par la suite des gens de l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous raffermisse et qu'il nous donne une fermeté dans notre foi. Et donc, le musulman doit toujours, en tant que musulman, doit toujours avoir peur et faire attention, tout le temps, tous les jours, à chaque instant, de tomber dans le shirk, il faut toujours avoir peur de ça. Après, il mentionne l'autre hadith, qui est le dernier hadith de ce chapitre, c'est le hadith de Jabir qui dit, celui qui rencontre Allah, qui ne fait pas de shirk avec lui, il entre au paradis, et celui qui rencontre Allah et qui fait le shirk avec lui, il entre en enfer. Donc le shaykh dit, قال ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة فهذا فيه فضل التوحيد وأن من مات عليه دخل الجنة وهذا وعد من الله عز وجل والله لا يخلف وعده حتى ولو كان عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك فقد يغفرها الله له ويدخله الجنة من غير عذاب وقد يعذبه بها ثم يدخله الجنة فمآل الموحد إلى الجنة إما ابتداء أو في النهاية. Donc le cheikh il dit que le hadith rapporté par Muslim selon Jabir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui rencontre Allah sans avoir fait de shirk avec lui, il entre au paradis. Ça nous montre le grand mérite du tawhid, et que celui qui meurt sur le tawhid, il entre au paradis. Et ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ne manque jamais à sa promesse. Même si la personne avait des péchés, des désobéissances qui sont moindres que le shirk, eh ben Allah peut lui pardonner et le faire rentrer au paradis sans aucun châtiment. Hein? Et si Allah veut, il peut également le punir pour ces péchés-là, et puis par la suite il entrera au paradis. Donc la destination du muwahhid, celui qui a établi le tawhid et qui a appliqué le tawhid, c'est au paradis. C'est-à-dire la destination du muwahhid, c'est le paradis. Soit du premier coup il rentre, ou bien soit il rentre à la fin. Hein? Mais c'est sûr que sa destination c'est le paradis, comme on a expliqué tout à l'heure avec le hadith d'Abi Dhar, c'est la même chose. Et des fois les ulama, ils n'aiment pas mentionner le hadith d'Abi Dhar devant des musulmans qui font des péchés, pour pas les encourager à faire le péché plus. Parce qu'il y en a qui prennent ce hadith sans le comprendre, et ils s'imaginent que c'est une porte ouverte ou une permission pour continuer à faire le péché. Alors ils s'imaginent que c'est correct. Mais n'oubliez pas que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » Il pardonne autre que ça à qui il veut. Donc ça veut dire que peut-être il ne voudra pas pour quelqu'un. Hein? C'est pour pas se dire « Ah, moi j'ai pas le shirk, Allah il va me pardonner tous mes péchés parce que je suis muwahhid. » Non, peut-être que ce péché-là, il ne va pas te le pardonner. C'est pour ça qu'il faut toujours rester mon aguet également. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit « وَمَنْ لَقِيَ اللَّهِ يَعْنِي مَاتْ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ هَذَا مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَنْ مَاتَ عَلَى الشِّرْكِ فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَنَسَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ فهذا فيه الحذر من سوء الخاتمة وفيه كما ذكر الشيخ رحمه الله قرب الجنة والنار من الإنسان فما بينه وبين الجنة إلا أن يموت ولا يدري وربما يموت في الحال وربما يموت بعد دقائق أو بعد شهر أو بعد سنة وما بينه وبين النار والجنة إلا الموت فإذا مات دخل النار أو دخل الجنة فيه قرب الجنة والنار من الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك لشيخ الزيك أصوات للقفة صلى الله عليه وسلم أدي celui qui rencontre Allah, ça veut dire que celui qui meurt, hein, et celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire celui qui meurt et qui est associé avec Allah, il entre en enfer. Et ça, c'est comme le hadith d'Ibn Mas'ud qu'on a lu tout à l'heure, celui qui meurt sur le shirk, il entre en enfer, que Allah nous en protège. Et ça nous montre le danger d'avoir la mauvaise fin, de finir mal notre vie. Et comme le cheikh a mentionné, on voit que le paradis et l'enfer est très proche de l'être humain. Il n'y a qu'entre nous et l'enfer et le paradis que la mort. Hein? Et on ne sait pas. Hein? Peut-être qu'on va mourir maintenant. Peut-être qu'on va mourir dans quelques minutes. Peut-être qu'on va mourir après un mois. Peut-être qu'on va mourir après un an. Et entre nous et le paradis et l'enfer, il n'y a que la mort. Donc lorsque l'être humain meurt, il entre soit au paradis, soit en enfer. Et donc ça nous montre que le paradis et l'enfer sont très proches de nous. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le paradis est plus proche que l'un d'entre nous que le lacet de ses sandales. Hein? Donc ça veut dire que le paradis et l'enfer sont très proches. Hein? Il a dit le paradis est plus près de l'un de nous que le lacet ou le truc qui attache ses sandales, et l'enfer également. Donc il est très proche. Et كُلُّ مِنْ مُسَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِنَ أَلِهِ. Donc ça veut dire que la mort est plus près de l'un de nous que les lacets de ses sandales. Donc tu peux te réveiller dans cette dunya et tu te réveilles dans le paradis et le contraire également. Le cheikh dit donc في هذا الحديث الخوف من الشرك وأن الإنسان يخشى أن يلقى الله وهو على الشرك فيكون من أهل النار والعياذ بالله وفي نصوص الباب أن الإنسان لا يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم والإيمان والمعرفة بل يعترف بعجزه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى وأنه إن لم يعصمه الله فإنه على خطر. كما أن في الباب أيضا بيان معنى لا إله إلا الله كما يقول الشيخ في مسائله، وفي الباب معنى لا إله إلا الله، وذلك في الحديث الأخير: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولا إله إلا الله أثبتت التوحيد ونفت الشرك، فلا إله إثبات التوحيد وإلا الله نفي الشرك. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونعوذ بالله من الغرور، ونعوذ بالله من الإعجاب، ونعوذ بالله من تزكية النفس المنهي عنها في بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Donc le cheikh il termine ce chapitre en disant que le hadith qu'on a lu, il y a dans ce hadith, dans ce chapitre, le fait que il faut avoir crainte du shirk, que l'être humain il doit craindre de rencontrer Allah alors qu'il est en train de faire le shirk et qu'il soit dans les gens de l'enfer. Et parmi les textes de ce chapitre également, il faut pas se laisser tromper par nous-mêmes, peu importe le niveau de science, de foi, de connaissance qu'on a atteint. Il faut reconnaître notre faiblesse et notre besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que personne d'entre nous n'est protégé contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc personne d'entre nous n'est protégé, donc on est tous en danger si on ne fait pas attention au shirk. Et également on voit que dans ce chapitre il y a l'explication de la signification de la ilaha illallah, parce que le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab il a mis dans les points qu'il a mis à la fin de ce chapitre qu'il y a l'explication de la signification de la ilaha illallah dans le dernier hadith: celui qui rencontre Allah et qui n'a rien associé il entre au paradis, et celui qui rencontre Allah et qui fait le shirk il entre en enfer. Donc ça explique la signification de la ilaha illallah, parce qu'il y a l'affirmation du tawhid et la négation du shirk. Et la ilaha, ça veut dire l'affirmation du tawhid, et illallah, c'est la négation du shirk. Et il dit qu'on demande à Allah qu'il nous donne le tawfiq, le succès, et d'avoir la bonne connaissance qui est bénéfique, et les bonnes œuvres, et qu'il nous donne également la fermeté dans notre religion, et qu'il nous montre la vérité comme tel, et qu'il nous donne qu'il nous permette de le suivre, la vérité, et qu'il nous montre le mensonge tel qu'il est, et qu'il nous permette également de nous en écarter, et qu'il nous protège contre le fait d'être parmi ceux qui ont eu par exemple, qu'on les a trompés dans la religion, que la vérité leur a été cachée, donc ils se sont égarés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre le shaytan et les choses qui peuvent nous tromper dans la vie, et également contre al-i'jab, c'est-à-dire trop fier et ébloui de par nous-mêmes, c'est comme on pense à nous-mêmes avec beaucoup de fierté et de gloire. Et on demande à Allah également de se protéger contre le fait de se purifier nous-mêmes, de se glorifier nous-mêmes, de croire qu'on a atteint un niveau, ça y est, on est protégé de l'égarement. Non, Allah il dit: ne vous purifiez pas vous-même, car c'est lui qui connaît vraiment celui qui le craint. D'accord? Donc on arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis on continue, Inch'Allah, la semaine prochaine avec le chapitre. Ah non, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Mais dans deux semaines, Inch'Allah. Ah oui, c'est vrai, demain. Pardon, je m'excuse. demain c'est dimanche. Donc demain il y a le dars, mais je pensais que c'était, ah non, c'était juste le samedi, je me suis mélangé. Oui, c'est ça, je suis pas encore parti. Donc le chapitre, demain on commence chapitre 5, et le chapitre 5 ça s'appelle Bab du'a ila shahadati an la ilaha illallah. C'est-à-dire le chapitre de, du fait d'appeler les gens à témoigner de la ilaha illallah. Donc ça c'est le chapitre de demain inshallah, et puis on va commencer ce chapitre demain, puis c'est un chapitre qui est assez rempli de fawaïd, qui a beaucoup de bien dedans, donc j'ai bien hâte inshallah. Donc سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc, je vous remercie, Inch'Allah.